j'ai rien compris. Faut que l'on m'explique, j'ai rien suivi. Faut que l'on m'implique, je n'avance pas. Je progresse en reculant, la patience ça, je l'ai perdu forcément. Je suis rejeté et la terre s'en fout. Tu ne peux pas m'oublier, pas après tout. Pas après tout. Tu entends quelque chose, mais moi j'entends pas. Tu me frottes une rose, mais moi je sens pas. Tu aimes quelqu'un d'autre, mais moi je vois personne. Tu n'aimes pas un autre, notre amour pardonne. Enfin accepté, faut encore un peu de temps. Mais j'arrive à t'oublier, à me contrôler contre ce vent. J'ai un nouveau livre, il faut juste que je commence. Tourner les pages, moins ivre, ça va venir par aisance. J'ai mis mon écharpe, mes gants et je combats. Le froid il me frappe, et je pense encore à ça. Tu me fredonnes une rose, mais moi je la sens pas. Tu aimes quelqu'un d'autre, mais moi je vois personne. Tu n'aimes pas notre amour, pardonne. Pardonne. Je suis rejeté, la terre s'en fout. Tu ne peux pas m'oublier. Pas après tout.